Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Freddy. Bonsoir, Romain. Comment ça va? Ça va et toi? Ben, ça va, ça va. On attend Adrien. On attend Adrien. Ben, il nous a dit qu'il allait venir, ouais. Qu'il allait être en retard, mais de combien de temps? We don't know. We don't know. We'll see. Well, time will tell. He's from the south of France. Yeah. So they are not super punctual. Non. Well, like... I'm from further north, but I'm not super punctual either. No. No. I am. Yeah, I know. I think so. Mm. I think overall, I mean, like, I'm 99%. Okay. Well, I would say so. 97.2. All right. Yes. So you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And tonight we have a special theme because on this upcoming Monday, there's going to be St. Patrick's Day. So in order to celebrate the French part of the Celtic, we decided to do like a playlist that will be Celtic. Only Patrick's? Oh, no. No, not only Patrick's. Even though you might be surprised, but we'll see about that. But songs from Britney and or songs that talk about Ireland and that sort of thing. Yeah. So good. Yeah. 2 hours of that. And after that, it's going to be Balkan Jamboree. Eh ben oui. And we also have a pair of tickets for Alceste to give away. It's at the Fine Line this coming Monday, so on St. Patrick's Day. Yep. I think downtown will be quite busy. I bet. Yeah. And it's so it's a French band, and they'll be performing at the Fine Line. Yeah. It's their latest album for the most part, plus some of the older success. But it's black metal, and I really like him. I mean, and I've played them on Bonjour Minnesota a little bit more on French influences. But yeah, so by the way, French influences 147 is still out and about, and the 148 is coming up. So the 147 was about Emily in Paris' soundtrack, and the 148 is going to be the last of the your series soundtrack. Of the soundtrack of my life. So, a lot of like 98, 99, 2000. And and after that, we'll see. I'm thinking about stopping. So, well, stop at 150? Maybe. I'm not sure. But actually, stopping at 148 could also be, everybody's expecting go to 150. No. Yeah. Stopping at 148. Yeah. That's too late. I don't know. We'll see. Because I have more Emily in Paris, but I also have a best of that I was thinking, like the best 100 that I was thinking of doing. So we'll see. Okay. All right. So what are we going to listen to? Well, the first three songs we're going to listen to are coming up as soon as I can open the Spinitron, because the Spinitron is where we store all the songs, and that's how you get the playlist when you go to playlist on the upper right corner. So we're going to listen to Edith Piaf with Dans les prisons de Nantes. Nantes is a town in Brittany. Then a band called Advienne que pourra. Normally Advienne que pourra is the saying, but they changed Vienne for Vielle. And Vielle is a hurdy-gurdy. Yes. It doesn't rhyme. No. In English. And then Hugo Frey with La Ballade Irlandaise. Très bien. On y va? Oui. But before, a little skit. Bleu, pastis délicieux. Allez, santé. Alors, on n'attend pas Patrick? Dans les prisons de Nantes, il y a

sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Mais dans mes bras, quelqu'un d'autre que toi, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. L'eau de la rivière fleure la bruyère et ton sommeil est à moi. Sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Toi, mon enfant, tu es là. Et voilà, we are back on Bonjour Minnesota, and we just listened to three songs, and Freddie is going to tell us what those songs were. I don't know if I'm going to tell you. I said you, us. I'll tell your listeners. Yeah, listeners. But when I say us... Yeah. I include all our listeners. Fine. Well, I'll tell you then. We listened to Edith Piaf with Dans les prisons de Nantes, in the jail of Nantes. And it's a classic. I mean, it's been covered by like a zillion people, so it was hard to find a version. But I did like this one. It's a little bit different. Then the band Adviel Que Pourra with Ça ne manque pas de Celt. And it's also a play on word because... The play on word is Ça ne manque pas de sel, and the sel is the salt. But they replace sel for celt, for Celtic or Celtic. And then Hugo Frey with La Ballade Irlandaise. Mm-hmm. All right. He's 96. He still tours. Hugo Frey? Mm-hmm. Wow. And he's been friends with Bob Dylan since 1961, and he actually covered... a lot of Bob Dylan songs in French. Yeah. So. Bob Dylan just turned like 83, I think, or 84, I can't remember. Yeah. I just saw that on passing. Yeah, and last week at the Oscars, what's his name? Mick Jagger gave the Oscar for best music or best, you know, original song or whatever. And he said that the Oscars, the Academy wanted Bob Dylan. And he said, no, find someone younger. All right. So. Well, he got quite a few awards. Yes. I think you get plenty. All right. Well, we're going to keep on going. No, it was just to give it away, you know, to be the announcer. Oh, I see. Yeah. Yeah, Mick Jagger is not that much. Well, I think he's a year younger than Bob Dylan. So RSS, the black metal band, who's really great, is going to be at the Fine Line this upcoming Monday, and we have a pair of tickets to give away. So you can send us an email at bonjourminnesota@gmail.com, say you want RSS ticket concerts. We just need your name, a phone number, and an email, but... you're going to email us anyway, so we'll have it. Mm-hmm. But the phone is just to contact you if it's canceled or moved, which happens sometimes. Yeah. We're gonna listen to Les Innocents with L'Autre Finistère. One of my favorites. Yeah, I know you like it. Mm-hmm.

comme un goût de mauvais, mauvais vin. J'ai dans la bouche comme un souffle coupé, comme un souffle à demi étouffé. Et je reste toute seule à regarder dehors, raconter, recompter mes trésors. Tous les mots que je n'ai pas su dire encore. J'ai dans la bouche comme un goût de trop peu, comme un goût de quand on veut, on peut. J'ai dans la bouche comme un souffle perdu, comme un souffle à demi retenu. Et je reste toute seule à regarder mes pieds, à ranger, déranger des papiers. À médire, à maudire, à écrire, à copier, recopier. J'ai dans la bouche comme un goût de nulle part, comme un goût de si je veux, je pars. J'ai dans la bouche comme un goût d'absolu, comme un goût que j'ai toujours voulu. Et je reste toute seule à regarder le feu, à couper, recouper mes cheveux, à pâlir. KFAI is supported by Mutual Management Company. Mutual Management Company provides tailor quality housing services. Areas of expertise include managing affordable housing with a personalized focus on strengthening the community. Mutual Management serves an assorted portfolio of renters and owners of scattered site and single site residential and commercial developments designed to preserve and protect real people with real property in the Twin Cities. Find out more by calling 612-333-9164 and online at mutualmanagementcompany.com. And we are back at 8:30. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI with Freddy. And Romain. And we listen to three more songs. Indeed. We listen to Les Innocents with L'Autre Finistère, a great song that Romain loves. Mm-hmm. And it's a great band, and that album is is really, really good. Yeah. It's all right. I like them okay. Okay. Yeah, just okay. Yeah. I mean, they're not meh, but they're okay. Okay. Then it was Jeanne Chéral with Finistère, Jeanne Chéral that we had the privilege to interview on Bonjour Minnesota when she came to town. Actually, she just released a new album, produced, and I don't know if it was co-written or by Benjamin Biolay. Oh, cool. Mm. Yeah, I like Benjamin Biolay. And then Corrigan Fest with La Brocante, and it's for their from their album La Victoire en Chantant. I have to check on them. Maybe they have some new stuff, because this one is from 2007. Yeah. So maybe they came up with a new one. All right. We still have a pair of tickets for Alceste, the band, the black metal band from France. Yeah. And it's on Monday at, I think it's 7 p.m. at the Fine Line. Mm-hmm. And just send us an email, say that you want a pair of tickets for Alceste, and it's bonjourminnesota@gmail.com. Mm-hmm. We need your name and your phone number and your email address. That's all we need. All right. Should we keep on playing some Celtic music? Mm-hmm. We're going to listen to T-Jazz with Les Filles de Lannion. Alors, Lannion has nothing to do with L'Oignon. No. Lannion is a town, and there's no apostrophe, and it's in Brittany. And it's from their album Musique Bretonne Aujourd'hui. Then we're going to listen to Norwen Leroy with La Jument de Michau, and it's from her album Bretonne. Mm-hmm. And it's a classic. It's a cover. And then Alan Stivell, who got a lot of promotion doing Celtic music in general, with Suite Sud-Armoricaine. And Armoricaine is the Armorique, and it's a region of Brittany. And it's from an album called Sélection Nuit Celtique. Oui. On y va? Eh bien, c'est parti. We'll be right back. pas le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai. La jument de Michao a passé dans le pré. La jument de Michao et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. La jument de Michao et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michao, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michao, elle s'en repentira. Et pas payé un bet, et pas payé un bet, et pas payé un bet. Hop là, y'a un comme un scabel. Ah la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ze parvoise avec ce que le verre brase en même pas que la la la. Et après les yeux bêtes cassés. Ah la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Make you blaze 3 minutes. Make you blaze 3 minutes. Make you blaze 3 minutes. A man's bride. You're happening, baby, and it'll freak you out when KFAI brings you Black Market Brass with Obi Original live at the Turf Club Saturday, March 22nd. Black Market Brass and Obi Original bring their signature brand of trippy, boundary-pushing, psychedelic Afrobeat music to the Turf Club stage. Prepare to have your mind blown, your consciousness expanded, and your suppositions shroomed as Black Market Brass and Obi Original celebrate the release of their new 45, Battle Ready. Opening the show is Jazz Fusion Wildcard, Room 3. Tickets for Black Market Brass with Obi Original can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Et voilà, voilà, voilà. Et voilà. And we're back, and we just found out it's just going to be the two of us. Yes. So, but if you're listening, Adrien, on pense à toi. Yes. And tu nous manques. Lâcheur. we just listened to three songs. The first one was from the band T-Jazz with Les Filles de Lannion. Then Nolwenn Leroy with La Jument de Michel. Michaud. Mm-hmm. Pas Michel. Non, c'est que c'est pas comme Macao. Non, Macao. Macao. Moulage, c'est différent. Ouais, c'est différent. Alan Stivell with a suite sud-armoricaine. And tonight is a special theme is St. Patrick's Day because it's coming up. It's on Monday. Eh oui. And that is coming Monday the 17th. Mm-hmm. We still have tickets to give away to Alceste, black metal band from France. Yep. They are going to be at the Fine Line on Monday at 7:30. So if you want the tickets, just say you want the tickets for Alceste, send us an email at bonjourminnesota@gmail.com. We need your name, phone number, and email. And we're going to keep on playing some music, some Celtic music. So in the 2000s, actually, in 1999, Mano was having a terrific success, and Mano is a band who's doing some rap, but with some Celtic background. Breton. Yeah, Breton traditional instrument. So we're going to listen to Panique Celtique, Celtic Panic, and then Le Chant des Druides, the Singing of the Druids. Mm-hmm. Not droids. Druids. And then Mad Matter with Ribet. Très bien. On y va? Eh bien, on y va, c'est parti. En train de réfléchir, en train de m'imaginer qu'allait devenir mon avenir. Quand j'ai décidé de stopper mes délires, ma réalité c'était de me mettre à écrire un truc authentique, mythique et celtique. Un mélange ethnique, un nouveau style de musique. Alors j'ai pris le temps pour que cela soit bénéfique. Mano arrive, voilà la nouvelle panique. Hey, oh, le nouveau son de Mano. L'accordéon et les bignoux me font trouver les thèmes de tous mes lyrics et de tous mes poèmes. Vous connaissez la phrase, nous récoltons ce que l'on sait. Moi j'ai semé le vent, maintenant voilà ma tempête. Le but de ma quête est de faire la conquête de toute la planète. Ma tribu en tête, un nouveau réseau Manon branché sur internet. Hey, oh, le nouveau son de Manon. Le son de manophile, n'essayez pas d'imiter, je suis trop habile. Je ne veux pas gazer mais démontrer mon nouveau style. Je prends dans les mains où le mic et tape dans le mille. Ok, j'espère que tu vas l'apprécier. Je crois que ce mélange musical est adopté. Alors reste cool, reste bien accroché. Un nouveau départ, Mano est prêt à décoller. La Manche, l'Atlantique, des plaines authentiques, un bord de côte froid et mythique, une langue gaélique, des filles magnifiques, une culture mystique belle qu'on appelle celtique. Ah notre ère, les édificateurs de mégalithes étaient sur terre, brillantes civilisations qui n'ont pas laissé d'écriture, mais des monuments et de mystérieuses gravures. Mano prend le micro et cède du hip-hop pour raconter des histoires et les mythes de ce peuple. Il m'arrive parfois de rêver de tout ça, de l'âge du bronze, du fer et même d'Alésia. Mais je me demande pourquoi, ce qu'il se passe des fois quand le vent de la mer se lève et entre dans les sous-bois. On peut entendre les récits des rois accompagnés par des chants et de douce voix. C'est le vent de la mer qui doucement les transporte, les histoires, les contes de l'ancienne époque. C'est comme une musique qui resterait pure et limpide. J'ai pu entendre le chant des druides, je l'entends qui me guide. Le chant des druides, mon flot et son fluide. Le chant des druides, c'est clair et si limpide. C'est le chant des druides, je l'entends qui me guide. Le chant des druides, mon flot et son fluide. Le chant des druides, c'est clair et si limpide. Mais le chant des druides agitait l'influide. Apprends à l'écouter, il te servira comme un guide pour raconter des contes et des histoires de chevalerie, de grandes batailles, de monstres et de tours de magie. C'est l'âme celtique, historique, antique. Les siècles ont passé mais elle reste identique, comme à la grande période du début mégalithique. Les dolmens sont là et ils sont authentiques. Je sais que tu auras du mal à croire à ces histoires, que tu pourras entendre seulement la nuit très tard le soir. N'essaie pas de lutter avec des idées noires. Laisse-toi glisser, éclairer tel un phare. C'est comme une onde qui sortirait d'un tapis de lumière. Une révélation, quelque chose d'éphémère, qui coulera en toi une musique presque liquide. Et viens écouter le chant des druides, je l'entends qui me guide. Le chant des druides, mon flot et son fluide. Le chant des druides, c'est clair et si limpide. C'est le chant des druides, je l'entends qui me guide. Le chant des druides, mon flot et son fluide. Le chant des druides, c'est clair et si limpide. J'avais le chant des druides, c'est ma réalité. Il me sert de guide, tu l'as fait deviner. Proposer tranquillement les mots sur un bout de papier. L'inspiration de Mano, ce qu'elle aide à méditer. Voilà pourquoi je ne veux pas me poser de questions. Est-ce que toutes ces voix viennent de mon imagination? En fait, j'accepte cette situation. Le chant des druides fruit de mon inspiration. Car j'aime plonger mon esprit souvent dans le passé. Et ne pas me demander où est la vérité. Je continue de rêver, je ne suis pas le dernier à pouvoir écouter tous ces chants sacrés. Et même si la vie s'oppose au caractère de ces choses, je ne veux pas trouver la cause et continuerai ma prose. Alors croyez-moi, pour cela je veux rester candide et pouvoir écouter toute ma vie le chant des druides. Je l'entends qui me guide, le chant des druides. Mon flow est sans fluide, le chant des druides. C'est clair et si limpide, c'est le chant des druides. Je l'entends qui me guide, le chant des druides. Mon flow est sans fluide, le chant des druides. C'est clair et si limpide. Voilà, we are back. It is 8:58. Yes. And you're still listening to Bonjour Minnesota. Uh-huh. And we just listened to three songs, mm-hmm. two from Mano, the band, who's doing rap and Celtic music. So the first one was Panic Celtic, and the second one was Le Chant des Druides. And the third song was instrumental, but it was Matmata, mm-hmm. which is going back in concert this fall in Paris. Oh. So I don't know, if I have to go in Paris in the fall, I might maybe coordinate that. Mm-hmm. And maybe I could join you? And maybe? I could join you? Yeah, maybe. Maybe. We'll see. I don't know. Do you like Matmata? I don't know them much. Yeah. Well, we play often the ones like more Celtic. Yeah. But my my brother, when we went to see them in Rouen, was surprised. He thought, I mean, they were more rock than Celtic. Mm-hmm. And, and the funny story also that one of my friend's brother told me is like one of the guitar player, like who's doing solo and stuff, he used to be a fan of Mad Matter. Oh. And he really wanted to play with them, and he really worked hard and stuff, and he got the job, and so now he's in concert and touring with them. Who? There's another band like that, and I'm wondering if it's not, it's either Téléphone, I think it's Téléphone. Yeah. Or Indochine, but I think it's Téléphone, and their guitar player used to be a fan of theirs. Wow, that's cool. When same thing, can, yeah. Cool. I think it's one of those two, you know, bands from the 80s that sell out the you know, the Stade de France. Yeah, I think it's interesting. That's cool. Do you want to do the announcement in French? Mais bien sûr. All right. Parce que vous écoutez, it's 9 o'clock. I know. To the minute. So yes, vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Et vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons, ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. And we are celebrating our French Celtic heritage tonight. And we're going to listen to another song from Hugo Frey. Ah, oui? Which is not, I mean, it's Santiano. So it's not really Celtic, but it's very like celeb-based. Oui, oui, yes. And then Miossec with Brest. Mm-hmm. Brest, who's a town in Finistère. In Finistère, yeah. By the edge. And then we're going to listen to Renaud with Molly Malone. On y va? Eh bien, c'est parti. J'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iséo, Santiano. Si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iséo, Santiano. Si Dieu veut que je crois devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux. Je passerai l'anneau. Tiens bon, Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la règle pour ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean-Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la vie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre la renverse. Le recouvrant ce que l'on délaisse, la rue des Siam, c'est nuit d'ivresse, ce n'est pas par manque de politesse, j'ai l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe, mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espace? Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, le nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, le nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre part à la renverse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, est-ce que toi aussi ça te bouleverse? Aujourd'hui, au moins, quelqu'un te berce. À Dublin City, où les filles sont si jolies, qui donc se souvient de Sweet Molly Malone? Elle poussait un vieux chariot du bas des rues jusqu'en haut, en proposant aux passants du lila des roses, du lila des roses, du lila des roses, et puis sa fleur au petit bonheur à votre bon cœur. Comme le fit sa mère dans les mêmes rues hier, Molly vendait des fleurs aux mille couleurs, mais de toute la plus belle qui se croyait immortelle, c'était bien celle des demoiselles cachées sous leur dentelle. Du lilas des roses, du lilas des roses, et puis sa fleur au petit bonheur à votre bon cœur. Molly Malone un jour d'une maladie d'amour mourut, comme meurent les plus jolies des fleurs. C'est son fantôme aujourd'hui dans les rues de Dublin City qui fait pousser au fond des cœurs des millions de fleurs. Du lilas des roses, du lilas des roses, et sa fleur au petit bonheur, à votre bon cœur. Tu lui as des roses, tu lui as des roses, et puis sa fleur au petit bonheur, à votre bon cœur. Slide guitar wizard Sonny Lambeth returns for a rare dual performance with a Sleep at the Wheels steel guitar and dobro debutante, Cindy Cash Doll. Sunday, March 23rd, live at the Dakota. Sonny Lambeth's bottleneck blues brilliance is perfectly paired by Cindy Cash Doll's Texas Steel Guitar Hall of Fame chops. It'll be a blues-busting slide guitar blowout with two legendary masters of the instrument. Tickets for Sonny Lambeth and Cindy Cash Doll can be found at the Dakota website. Visit dakotacooks.com for more details. Et voilà, voilà. And we're back. Indeed. And we listen to three more songs. Yeah, because that's what we're here for. Yeah. The first song was from Hugo Frey with Santiano, vraie chanson de main, like a cello song. Then it was Renaud. No, it was Miossec with Brest. And then Renaud with Molly Malone. And we're going to keep on doing that, but we're going to talk about the events first. What's coming up tomorrow from 7 to 8 p.m. Mm-hmm. Moins de la francophonie, les navigateurs de la littérature. So it's between, 7 and 8. It's an online event. So I recommend you go that if you're interested. To the book club, you go to afmsp.org and you go to the events because, if you go to the Facebook page now, they have a link. Mm-hmm. Like sometimes they were missing the link on the Facebook page. Right. So there's a Facebook event that we shared, so you can find it either at the Alliance Française or on our Bonjour Minnesota Facebook page. Then Monday, March 17th, at 7 p.m., Alcest with Mono and Kailan Mikla. So that's going to be nice. It's at Fine Line. And we still have tickets for it. So if you want a pair of tickets to go see them, they are black metal and they are from France and they are, I thought, very good. I discovered them on Bandcamp. So they, there's a lot of... there's a lot of high and low, and it's very melodic. That's my opinion. Okay. And so more information on the on our Facebook page. Then on Thursday, March 20th, it's a little bit later, but I'd rather talk about it now. Les rendezvous du jeudi, and it's between 6 and 7 p.m. And it's with the French-American Chamber of Commerce of Minnesota, Minneapolis-Saint-Paul. And, we are here to invite you to find us for an enlightening presentation by John Pournour on the evolving dynamic of megatrends and the U.S.-France business relationship with a focus on trade and economic nationalism. Mr. Pournour will examine how global changes, including trade policy, are poised to reshape this pivotal partnership. So it's at 610 9th Street, Southeast Minneapolis, Minnesota. Okay. And registration starts at 5:30. So it's on our Facebook page. It's shared. It's by the French-American Chamber of Commerce. I know a little bit, John. Because he was often going to Internation. Oh, yeah? Yeah, so we chatted. Then Moi de la Francophonie is on Thursday, March 20th, between 6 and 8. It's a movie screening, origin story, at the Alliance Française. And it's a movie from Culap Villasac, explore her tangled family tree to find out who she is. So... it's when she was 14, she took her father's side, an argument, and her mother replied, "Why are you defending him? he's not your real dad. So that starts pretty well. All right. And later she learns what that means. So it's that the Alliance Française, 227 Colfax Avenue North, Minneapolis, Minnesota. And it's Thursday, March 20th, 6 to 8, donation appreciated. And the last event I'm going to talk about is also on Thursday, March 20th. It's Apéritif en Français at the University Club of St. Paul. And on Summit Avenue? Yeah. It's a conversation group. So it's pretty casual. It's in a bar versus, I mean, the club is a bar versus like a coffee shop. So you can, the more you drink, the better you speak. A singer was saying that too. The more you drink, the better we sing. It's because the singer was getting a commission on drinks. it's 420 Summit Avenue in St. Paul, Minnesota. So, it's pretty casual and it's nice to meet new people. And it's a lot of the French conversation groups are more located in Minneapolis. So this is one of the one in St. Paul. It's monthly. And it's pretty nice. All right. So still some ticket for Alcest at the Fine Line on Monday the 17th. Just send us an email at bonjourminnesota@gmail.com. And we just need name, phone number, and email. Now we're going to listen to three songs. Open the Door for Three is the name of the band. And the promoter is from Seattle, but they are from Quebec. And they sing mostly in English, but it's the Fairy Jig set. So it's instrumental. And it's from their album, A Prosperous Gale. And then we're going to listen to Soldat Louis with C'est un pays. It's a pays. It's a country. It's a pays. It's a pays, yeah. And Trianne with Lundi, Mardi, Danse. Monday, Tuesday, Dance. Super. Nothing to do with Laissez-moi danser from Dalida. Ah, non. Monday. Yeah. I was thinking about it when I saw the title, but no. Non. All right. Eh bien, c'est parti. On y va. Thank you. Je t'en parle car je l'ai dans le cœur comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans c'est pas normal à croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent après la pluie ou je sais pas quoi. Moi je l'aime mieux sous un ciel qui chiale balayé par un vent. Qui résonne quand elle a repris, tout le monde le sait. Là-bas, si c'est pas pour ta pomme, on te le fera savoir vite fait. Ils en ont vu passer des tonnes de colons et voire même d'anglais. Après la langue, on vise la race. Que c'est pas trop gêner la France pour lui mettre les pieds dans la crasse. Des fois que l'idée d'indépendance ne laisserait pas vraiment de glace. Car ça n'aime pas les conquérants à la cupidité vénale. Si qu'une duchesse encore enfant s'est fait mettre d'une manière royale. Sa liberté, c'est l'océan qui la nuit va rejoindre les étoiles. Et sa terre qui a fait serment d'être à jamais. Chaque jour est une guerre qui ne se lit que sur les visages. Ici on ne parle pas de sa misère et encore moins de son courage. Si j'en rajoute un peu tant pis, au début je t'ai bien dit que je l'aime. Dans tout ce merdier, ce putain de pays me tient plus chaud que la gonzesse que je traîne. J'ai pas fini de l'ouvrir pour lui je filerai même des châtaignes. Au premier salaud qu'il détruit ou qui voudrait lui remettre. Je t'en parle car j'ai un cœur comme tu crois pas. Je suis pas de corps, c'est pas normal. À toi que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent après la pluie, je sais pas quoi. Moi j'aime mieux sous un ciel qui chiale. Servante lundi, mardi danse. Il y avait une servante lundi, mardi danse. Et elle attend d'amoureux lundi, mardi, jour de mai. Elle attend d'amoureux qu'elle ne sait lequel prendre. Qu'elle ne sait lequel prendre lundi, mardi danse. Qu'elle ne sait lequel prendre lundi, mardi danse. C'est un petit cordonnier lundi, mardi, jour de mai. C'est un petit cordonnier qui a eu la préférence. Qui a eu la préférence lundi, mardi danse. Qui a eu la préférence lundi, mardi danse. Lui a fait des souliers lundi, mardi, jour de mai. Lui a fait des souliers. À la mode de Nantes, à la mode de Nantes, lundi, mardi, danse. À la mode de Nantes, lundi, mardi, danse. Et il lui fait porter lundi, mardi, jour de mai. Et il lui fait porter à minuit dans sa chambre. À minuit dans sa chambre, lundi, mardi, danse. À minuit dans sa chambre, lundi, mardi, danse. Et c'est en lui chantant lundi, mardi, jour de mai. Et c'est en lui chantant qu'il lui fit sa demande. Qu'il lui fit sa demande, lundi, mardi, danse. Qu'il lui fit sa demande, lundi, mardi, danse. La bête, si tu voulais, lundi, mardi, dix jours de mai, la belle si tu voulais, nous dormirions ensemble. Nous dormirions ensemble, lundi, mardi, danse. Nous dormirions ensemble, lundi, mardi, danse. Et dans un grand lit. croisé lundi, mardi, jour de mai, dans un grand carré couvert de toile blanche. Couvert de toile blanche, lundi, mardi, danse. Couvert de toile blanche, lundi, mardi, danse. Pommes d'orange, lundi, mardi, danse. Et dans le mi-temps du lit, lundi, mardi, jour de mai. Dans le mi-temps du lit, la rivière est courante. La rivière est courante, lundi, mardi, danse. La rivière est courante, lundi, mardi, danse. Tous les chevaux du roi, lundi, mardi, jour de mai. Tous les chevaux du roi pourraient y voir ensemble. Pourraient y voir ensemble, lundi, mardi, danse. Pourraient y voir ensemble, lundi, mardi, danse. Lundi, mardi, jour de mai, à la cour du palais, y avait une servante. À la cour du palais, lundi, mardi, jour de mai, à la cour du palais, y avait une servante. It's a jazz soul double bill you won't want to miss. Thursday, March 20th and Friday, March 21st, the Parkway brings you Madeleine Peyrou and Betty Levette. Madeleine Peyrou returns to Minneapolis with her captivating new album, Let's Walk. It's a blues-infused, jazz with pizzazz masterwork of beauty, sensibility, and honesty. But she's not alone. Legendary soul diva Betty Levette is with her. It's said that Betty Levette is like Frank Sinatra, Billie Holiday, and Miles Davis all rolled into one incredible performer. Her latest release, Levette, is a tour de force powered by her soul mastery. Tickets for Madeleine Peyrou and Betty Levette can be found at the Parkway's website. Visit theparkwaytheater.com for more details. Et voilà, we are back. Indeed. It is 9:28. Yes. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFA Radio with Freddy. And we just listened to three songs. Et ben voilà. Celtic songs, yeah, because that's the theme of the night. Saint Patrick's Day is coming up. So the band was, the first band was Open the Door for Three, and it was the Fairy Jig set. Then we listened to Soldat Louis, well known for Durum des Femmes, but that's not what we listened to. We listened to C'est un pays, it's a country, and they are talking about Britney. And then Triane with Lundi, Mardi, Danse. And we're going to keep on going. Oui. On est là pour ça. We're going to keep on playing music. And we're going to listen to another song from Corrigan Fest, because I like them a lot. And I don't play them during the year outside of that day. Not very much. We're going to listen to Marin Perdu. So Lost Sellers. And it's from their album La Victoire en Chantant from 2007. Then we're going to listen to Les Ramoneurs de Menhir. So Les Ramoneurs are the chimney sweepers. Yeah, chimney sweepers. And the Menhir, a Menhir is like a big rock. Yeah, like Stonehenge. And so you can't really... A Menhir. You can't really sweep it. And Bagad Bro Camperlé. So the name of the song is Les Grands Nigauds. I don't know, Nigo. The big dummies. Yeah. The old dumb. Yeah. Yeah, morons. Yeah. I'm not sure. And it's from their album Braise Anok, and it's very strong. I mean, it's very Celtic because they have like bagpipe and stuff like that. But their guitars are pretty rough. Yeah. And then we're going to listen to another song from Norwenn Le Roy with Ma Bretagne Quand Elle Pleut. And that's a cover from Jean-Michel Karadec. Oui. From her album Bretagne. On y va? Eh bien, c'est parti. Voyez les qui marchent dans les rues, tels des camarades, bras dessous, bras dessus, roi des mers et prince de la. Saluez bien bas les marins perdus. Pour certains, la vie est triste et morne. Mais pour les marins qui la vivent sans borne, malgré tout, les espoirs déçus, jamais ne regrettent les marins perdus. se sont fait marins. Le monde est un, bien qu'ils ne possèdent rien. Jamais ils ne s'avoueront vaincus. Ils n'ont peur de rien, les marins perdus. Y'a des fachos par milliers, c'est si fâcheux, c'est affiché. Y'a des fachos par milliers, y'a des fachos. fâcheux par milliers. Une fâcheuse est affichée. Y'a des fâcheux par milliers. Y'a des fâcheux par milliers. Vous ne voyez pas vous autres. Oh sacré grand nigo, vous votez comme les autres. Vous ne voyez pas vous autres. Oh sacré grand nigo, vous votez comme les autres. Si on affichait nos fichiers, on va les fâcheux marcher. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. regardant des photos. C'est fou ce qu'on est vieux. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Et voilà, voilà. It is 9:42. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFR Radio. On KFR Radio, and we are celebrating St. Patrick's Day a little bit early. Yeah. But, and we listen to three songs. So you get ready. Yeah. We listen to Corrigan Fest with Marins Perdus or Lost Sailors, then Les Ramoneurs de Menhir with Les Grands Nigauds or the Dummies. The Big Dummies, and Nolwenn Leroy with Ma Bretagne Quand Elle Pleut. So all the songs are about Brittany, Ireland, or they are in Celtic too. I mean, like they are, like the song we're going to listen to, not the first one, but the second one is going to be in the language from Brittany. So now we're going to listen to Sandra Reid, and c'est L'Amoureux de Margot. Then Alan Stivell again with Brian Boru. Mm-hmm. And then one more, Les Ramoneurs de Menhir with Pashpunk. Okay. So that's still very Celtic. Mm-hmm. May not sound like it, but it is. And yeah, so that's the theme of the night. We still also have a pair of tickets to Alcest. Give away for Alcest on Monday night. Romain and I will be there. We will. And yeah, black metal. So just send us an email at bonjourminnesota@gmail.com. And we just need name, phone number, and email address. So, all right. Okay. Eh bien, c'est parti. On y va. Comme je sabats les plis biogas qui se dans la paroisse. Car je s'attends, je le donnerai à la première masse. Terre, je le paie. blir en tårn en tjære, en tårn en duer en tårn dagen is nu gjelder dårn er så har du den er så hæren nu bed du i æg vi nu så har du hun jeg den har den jeg nis i han en vi jeg bænder den ræ dårn er så har du den er så hæren. Allez, allez! allez, dépêchez-vous là. Vous pensez que je vais rester là toute la nuit? Allez, il faut danser. Restez-vous, nous achetez à l'empazaille. Oui, je cherche la montre, je ne pas de nonce. Dans ton anniversaire, dans ton anniversaire. Tout le monde s'en entra, tout le monde s'en entra. Dans ton dos d'être, dans ton dos d'être. Rue de Marie-Louise, roule en amitié. Oh, rue de Marie-Louise, roule en amitié. Roule l'homme qui a tiré un pied de boucher, qui a des camarades. Roule l'homme qui a tiré mon gars de Kisséta. Oui, je viens rire, oui, vous respectez. Là où là que vous jouez à la vie. Voilà que t'es un grand, voilà que t'es un nez. Mani, vais-tu trop voir dans voilà que vous. Chez le bonnet noir, bonnet brun, bonnet pitch, chez le bonnet noir, bonnet gris. Roule en amitié, oh, roule de Marie-Louise, roule en amitié. Roule l'homme qui a tiré un petit boucher, qui a des gamins. Roule l'homme qui a des mômes, qui a des guichetards. Vous avez nos rives, vous avez respecté, oh, d'un volant que vous vous êtes à l'arrivée. Oh, dis vous la que t'en crante, vous la que t'en nire. Mani, vais-tu trop voir, d'un volant que vous êtes. Chez le godet noir, vous dites, on a ce qu'on dit, chez le godet noir, à bout des grains. Et voilà, we were done with this last series. Yes. And so what were the songs, Freddie? We just listened to Sandra Reid with L'Amour de Margot, Margot's Lover. Then Alan Seaver with Brian Boru. And Les Ramoneurs de Menhir with Page Punk. Eh bien, très bien. And super. We're going to say goodnight. Yes. We're going to leave you with... Nicolai and Balkan Jamboree. Yeah, exactly. One song from Claude Barzotti, oh. La Maison d'Irlande. Mm-hmm. While we do the transition, and we'll be back next week. Mais bien sûr. And if you miss us, we're always on the archive for 2 weeks, Otherwise, you can find us on archive.org. Mm-hmm. All right, good night. Bonne soirée, bonne nuit, à la semaine prochaine. La maison dans la colline, je la bâtirai pour toi. La fougère et l'aubépine, la menthe et le réséda. Et comme dans la maison dans l'île, les plafonds y seront bas. Tu verras, tout sera facile, loin de tous ces combats. La na na, la na na. Na na na, la cuisine en pavé bleu, et puis la table en croix. Ils aimeront tous tes yeux, tout sera comme chez toi. Les fenêtres souriront.